Entrer dans le monde. Ils se rendirent chez M. de la Mole. Julien s'arrêtait ébahi au milieu de la cour. « Ayez donc l'air raisonnable, » dit l'abbé Pirard. « Jamais d'enthousiasme. Songez que ce peuple de laquais, vous voyant établi ici, va chercher à se moquer de vous. Ils verront en vous un égal, mais injustement au-dessus d'eux. Je les en défie, » dit Julien en se mordant la lèvre, et il reprit toute sa méfiance. Les salons que ces messieurs traversèrent au premier étage avant d'arriver au cabinet du marquis vous eussent semblé, ô mon lecteur, aussi tristes que magnifiques. C'est la patrie du bâillement et du raisonnement triste. Ils redoublèrent l'enchantement de Julien. Enfin, ces messieurs arrivèrent à la plus laide des pièces de ce superbe appartement, à peine s'il y faisait jour. Là se trouvait un petit homme maigre, à l'œil vif et en perruque blonde. L'abbé se retourna vers Julien et le présenta. C'était le marquis. Julien eut beaucoup de peine à le reconnaître, tant il lui trouva l'air poli. À l'aide de cette sensation, il ne fut point du tout intimidé. Le descendant de l'ami de Henri III lui parut d'abord avoir une tournure assez mesquine. Il était fort maigre et s'agitait beaucoup. « Auriez-vous quelque objection à ce que M. Sorel prit des leçons de danse ?» dit le marquis. L'abbé resta pétrifié. « Non, répondit-il enfin, Julien n'est pas prêtre. » Le marquis, montant deux à deux les marches d'un petit escalier dérobé, alla lui-même installer notre héros dans une jolie mansarde qui donnait sur l'immense jardin de l'hôtel. Il lui demanda combien il avait pris de chemises chez la lingère. « 2 répondit Julien, intimidé de voir un si grand seigneur descendre à ces détails. « Fort bien, » reprit le marquis d'un air sérieux et avec un certain ton impératif et bref qui donna à penser à Julien « fort bien ». « Prenez encore 22 chemises. Voici le premier quartier de vos appointements. » En descendant de la mansarde, le marquis appela un homme âgé. « Arsène, lui dit-il, vous servirez M. Sorel. » Peu de minutes après, Julien se trouva seul dans une bibliothèque magnifique. Ce moment fut délicieux. Mais voyons les copies à faire. Cet ouvrage terminé, Julien osa s'approcher des livres. Il faillit devenir fou de joie en trouvant une édition de Voltaire. Il n'en fallait pas tant pour porter au comble l'admiration de Julien. Une heure après, le marquis entra, regarda les copies et remarqua avec étonnement que Julien écrivait cela avec deux L, seul là. « Vous n'êtes pas sûr de votre orthographe ?»« Il est vrai, » dit Julien, sans songer le moins du monde au tort qu'il se faisait. « C'est du temps perdu que toute cette expérience de petit abbé franc-comtois, » pensa le marquis. « Mais j'avais un si grand besoin d'un homme sûr. »« Cela ne s'écrit qu'avec un L, » lui dit le marquis. À 6 heures, le marquis le fit demander. Il regarda avec une peine évidente les bottes de Julien. « J'ai un tort à me reprocher. Je ne vous ai pas dit que tous les jours à 5h30, il faut vous habiller. » Julien le regardait sans comprendre. « Je veux dire mettre des bas. Arsène vous en fera souvenir. Aujourd'hui, je ferai vos excuses. » En achevant ces mots, M. de la Mole faisait passer Julien dans un salon resplendissant de dorures. Julien marcha sur les pieds du marquis et lui fit beaucoup de mal à cause de sa goutte. « Ah, il est balourd par-dessus le marché, » se dit celui-ci. Il le présenta à une femme de haute taille et d'un aspect imposant. C'était la marquise. Julien lui trouva l'air impertinent. Un peu troublé de l'extrême magnificence du salon, Julien n'entendit pas ce que disait M. de la Mole. La marquise daigna à peine le regarder. Il y avait quelques hommes parmi lesquels Julien reconnut avec un plaisir indicible le jeune évêque d'Agde. Ce jeune prélat fut effrayé sans doute des yeux tendres que fixait sur lui la timidité de Julien et ne se soucia point de reconnaître ce provincial. Un joli jeune homme, avec des moustaches très pâles et très élancées, entra vers les 6h30. Il avait une tête fort petite. « Vous vous ferez toujours attendre, » dit la marquise, à laquelle il baisait la main. Julien comprit que c'était le comte de La Mole. Il le trouva charmant dès le premier abord. À force d'examiner le comte Norbert, Julien remarqua qu'il était en bottes et en éperons. « Et moi, je dois être en souliers apparemment comme inférieur. » On se mit à table. Julien entendit la marquise qui disait un mot sévère en élevant un peu la voix. Presque en même temps, il aperçut une jeune personne, extrêmement blonde et fort bien faite, qui vint s'asseoir vis-à-vis de lui. Elle ne l'eut plus point. Cependant, en la regardant attentivement, il pensa qu'il n'avait jamais vu des yeux aussi beaux, mais ils annonçaient une grande froideur d'âme. Madame de Rênal avait cependant de beaux yeux, se disait-il. Le monde lui en faisait compliment, mais il n'avait rien de commun avec ceci. Julien n'avait pas assez d'usage pour distinguer que c'était du feu de la saillie que brillaient de temps en temps les yeux de mademoiselle Mathilde. C'est ainsi qu'il l'entendit nommer. Du reste, elle ressemblait cruellement à sa mère, qui lui déplaisait de plus en plus, et il cessa de la regarder. En revanche, le comte Norbert lui semblait admirable de tout point. Julien était tellement séduit qu'il n'eut pas l'idée d'en être jaloux et de le haïr, parce qu'il était plus riche et plus noble que lui. Julien trouva que le marquis avait l'air de s'ennuyer. Vers le second service, il dit à son fils « Norbert, je te demande tes bontés pour M. Julien Sorel que je viens de prendre à mon état-major et dont je prétends faire un homme, si cela se peut. » Tout le monde regarda Julien, qui fit une inclination de tête un peu trop marquée à Norbert, mais en général, on fut content de son regard. Il fallait que le marquis eût parlé du genre d'éducation que Julien avait reçu, car un des convives l'attaqua sur Horace. À partir de cet instant, il fut maître de lui. Ce mouvement fut rendu facile parce qu'il venait de décider que mademoiselle de La Mole ne serait jamais une femme à ses yeux. Depuis le séminaire, il mettait les hommes au pis et se laissait difficilement intimider par eux. Ses phrases n'étaient pas trop longues pour un provincial. Il avait de beaux yeux dont la timidité tremblante ou heureuse, quand il avait bien répondu, redoublait l'éclat. Il fut trouvé agréable. Cette sorte d'examen jetait un peu d'intérêt dans un dîner grave. Le marquis engagea par un signe l'interlocuteur de Julien à le pousser vivement. « Serait-il possible qu'il sût quelque chose ? » pensa-t-il. Julien répondit en inventant ses idées et perdit assez de sa timidité pour montrer, non pas de l'esprit, chose impossible à qui ne sait pas la langue dont on se sert à Paris, mais il eut des idées nouvelles, quoique présentées sans grâce ni à propos, et l'on vit qu'il savait parfaitement le latin. L'adversaire de Julien était un académicien des inscriptions qui, par hasard, savait le latin. Il trouva en Julien un très bon humaniste, n'eut plus la crainte de le faire rougir et chercha réellement à l'embarrasser. Dans la chaleur du combat, Julien oublia enfin l'ameublement magnifique de la salle à manger. Il en vint à exposer sur les poètes latins des idées que l'interlocuteur n'avait lues nulle part. En honnête homme, il en fit honneur au jeune secrétaire. Cette discussion semble attirer le marquis de l'état de torpeur où l'ennui le plongeait au commencement du dîner. Julien ne comprenait rien à tous les noms modernes, comme Southey, Lord Byron, George IV, qu'il entendait prononcer pour la première fois. Mais il n'échappa à personne que toutes les fois qu'il était question de faits passés à Rome et dont la connaissance pouvait se déduire des œuvres d'Horace, de Martial, de Tacite, etc., il avait une incontestable supériorité. Lorsque l'on fut là de parler de poète, la marquise, qui se faisait une loi d'admirer tout ce qui amusait son mari, daigna regarder Julien. Les manières gauches de ce jeune abbé cachent peut-être un homme instruit, dit à la marquise l'académicien qui se trouvait près d'elle, et Julien en entendit quelque chose. Il amuse monsieur de La Mole, pensa-t-elle.